respirer. Tout prise mon mot qu'a soufflé, y'a tout qui y'a fou. Et pire, moins que oxygéné. Qu'un poisson qui vini retrouver de l'eau en mer. Tout souffle qui a dans le cœur à vous, c'est l'amour. Tout souffle qui a dans le cœur à vous. Tout souffle qui a dans le cœur à vous, c'est l'amour. Tout souffle qui a dans le cœur à vous, c'est l'amour. L'amour. Esclave, moins bas, sans réfléchir. Dernier goutte longue et y'a toute ambition en moins. Sans cesse, faut nous départager. Ce qui l'amour, ce qui tendresse, ce qui l'aura. Respirer, tout brise en mon qu'a soufflé, y'a donc qu'est en moi. Tout souffle qui a donc qu'est à vous, c'est l'amour. Tout souffle qui a donc qu'est à vous. Donc et à vous, c'est l'amour.